Capital Scandale à Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonsoir, chers auditeuristes de Radio Dio. Nous sommes le lundi 13 novembre, il est 20h30 et c'est l'heure de retrouver l'émission de PD de Radio Dio, Pédale Scandale. Et ce soir, en ce début d'hiver fort déprimant, dans ce monde de plus en plus anxiogène, on avait envie d'essayer d'apporter un petit peu de légèreté pour nous, vous, se faire du bien. On va vous parler de vêtements, de look, de notre rapport aux fringues en tant que PD. Et oui, on est quelques-uns, quelques-unes dans cette émission à avoir un rapport un petit peu démesuré, voire addictif aux fringues et aux autres accessoires de pédale, ou en tout cas, à donner une certaine importance à notre look. Alors, on a eu envie de vous raconter un peu pourquoi, comment ça nous permet à plein de moments de nous sentir un peu moins mal, comment nos vêtements et accessoires peuvent exprimer notre pédalitude, ou comment on peut des fois les utiliser pour se fondre dans la masse. Quels sont nos accessoires de pédale number one? Pour cela, on a comme d'habitude fait appel à des contributions de camarades et vous allez voir qu'une fois de plus, le rapport aux fringues et au look n'est pas du tout le même pour chacun et chacune d'entre nous. Mais avant toute chose, on considérait qu'on ne pouvait pas prendre la parole publiquement en ce moment sans exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien et dénoncer le génocide commis par Israël à Gaza et en Cisjordanie, sans oublier les plus de 70 ans de colonisation. Et donc nous nous joignons au plaidoyer pour la libération de la part des queers en Palestine que vous pouvez retrouver sur queerpalestine.noblogs.org et on souhaite relayer leur appel et leur demande que voici. Donc rejeter les financements sionistes, refuser de collaborer avec des institutions sionistes et rejoindre le mouvement BDS. Aussi faire grève, que cela soit silencieux ou public. Refusez que votre labeur soit exploité afin de réduire au silence le militantisme palestinien ou pour financer, soutenir et rendre possible la colonisation de peuplements militarisés israéliennes et le génocide. Faire ce que les personnes queer décoloniales font depuis des années, c'est-à-dire emparez-vous de la mise en récit et affirmez les termes de la conversation au sujet de la Palestine. Ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Israël, c'est une colonie de peuplement. Et les Palestiniens sont une société sous occupation militaire et colonisation. Selon le droit international, Israël n'a pas le droit de se défendre contre la population qui l'occupe, tandis que les Palestiniens ont le droit de résister à leur occupation. Donc exiger un cessez-le-feu est la première étape pour demander des comptes à Israël pour ses crimes contre l'humanité. Et nous devons également exiger la levée du siège de Gaza et le démantèlement de la colonie de peuplement sioniste. Aussi, contactez vos représentants locaux et exercer une pression sur eux à cesser de financer ce génocide, à mettre fin à leur soutien militaire, diplomatique et politique envers Israël, dénoncer la criminalisation continue et complice de la solidarité avec la Palestine, ainsi que la projection coloniale et islamophobe de l'antisémitisme européen sur les voies palestiniennes et racisées, comme nous pouvons le constater notamment en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. Et enfin, bloquer des axes routiers majeurs, organiser des sit-ins dans votre gare centrale locale, interrompre le flot du commerce, parce que la complaisance est un choix. You got man enough to fuck with me. You can't last 2 minutes in my world, bitch. Look at you scared now, you hoe. Scared like a little white pussy. Scared of the real man. I'll fuck you till you love me, faggot. Yeah. Putain, le même sexe que moi, on veut m'empêcher de kicker. Tu baves sur moi bien plus qu'un escargot, mon argot donne le barreau. Même aux hétéros, les poils hérissés. Mais avant la guerre, comme Makala, d'abord je dois pisser. Ici y'a qu'une marée, et elle est arc-en-ciel. Que le hip-hop français devienne bisexuel, mesdames, messieurs. Ici pas pour nous excuser. Fuck ta baby si je veux, je paie pour mon mec sur le parking. Je garde à dire, remplis la cagnotte. Yeah, il sait que je suis beau et que j'attire plus de mecs que ta meuf. PEDE, je dérange. trop mal à l'aise, paiera mieux qu'eux, ils ont peur de valider un fagot. Je suis le résultat d'une journée d'inserve. Triste à savoir, dans leur village, je pourrais jamais tenir la main d'un mec. Je compte les mâles virils du doigt, du vernis sur les ongles. Je suis le tout pas de gay si tu veux mettre un visage sur un nom. Quand j'étais môme, mon père m'a dit, fils, faudra te marier vite, comme ça j'ai un petit fils, j'espère qu'il sera ni flic ni PD. Mais je suis DI de BZY, y'a que la moitié, attends, je serai jamais keuf et je serai perc si j'ai assez d'argent. Toujours moi, même, à minuit, je DM ton Joe, il me dit que je suis beau, ouais, les hétéros, ils ont changé. Ça fera pas de moi un héros. Papa, je suis pas un saint, mais l'être que j'aime, bah il a des pecs à la place des seins. Je suis venu marquer mon temps, malgré mon fond de teint. J'ai plus les couilles que quand j'hisse le drapeau pour les miens. C'est pas juste pour le puzzle que je m'écoute penser que le hip-hop français se fasse ensemencer. Ils veulent pas valider, franchement c'est naze. Et laisse pas trop traîner ton fils, bientôt il sera fan de Lil Nas. Paraît que je suis qu'une petite tapette, un daron, un petit deb qui croit encore qu'un petit peut soigner son môme comme en 67. Ils veulent savoir si le soir je me fais prendre par derrière. Ma première parole sera la dernière. Depuis mon coming out, vois des lascars très tentés que le hip-hop français devienne franqué. Dibi, le rap c'est pour les hommes, pas pour les BD. Pourquoi tu ferais pas de la danse ou de la variété? Et si tu perds, imagine nos gosses devant la télé. Faut pas qu'ils deviennent PD à cause d'un rappeur PD. Mais ils veulent rapper sur mes prods même si je suis PD. Ils veulent mon flow, porter mes saps même si je suis PD. Les TN, les casquettes, la cosse c'est pour les PD. Rappelle-toi que j'ai baisé ta meuf avant de me traiter de PD. Dibi, le rap c'est pour les hommes, pas pour les PD. Pourquoi tu ferais pas de la danse ou de la variété? Et si tu perds, imagine nos gosses devant la télé. Faut pas qu'ils deviennent PD à cause d'un rappeur PD. Pourquoi ça t'intéresse autant de savoir si je suis top ou bottom? Je te demande pas comment tu baisses ta meuf, donc ferme-la. Et vu ta tête, mon gars, sûrement que tu la baises mal. J'ai des potes trans qui pourraient te casser la gueule devant ton bloc. Je suis le plus chaud de la ville, j'en ai que pour ma pomme. En vrai, je m'en tape du rap, mon gars, ici les rappeurs puent. Et votez oui le 26 septembre pour qu'on puisse mettre des anneaux à nos hommes. Adoptez les gosses que vous ne voudrez plus. Vous êtes en direct sur Radio Duo 89.5 dans Pédale Scandale. Et ce soir, on vous parle de fringues. Et alors, c'est quoi votre rapport aux fringues, vous? Bah moi, je crois que j'essaye de trouver un juste milieu entre Toto et Pédale. Et du coup, Pédale, ça passe par des détails et Toto, c'est le look global. Du coup, il faut faire émerger des petits trucs, des sweats à capuche et des joggings, quoi. Moi, je sais plus trop. J'ai l'impression que le rapport, ça a été avoir aucune fringue et après en avoir plein, plein, plein. Je crois que ça, c'était l'espèce de gouffre. À un moment, j'ai l'impression que avant de m'outer à moi-même, j'avais un peu une tenue et je mettais tout le temps la même. Et du coup, le moment de s'outer, ça a été le moment de genre acheter des milliards de choses et toutes les essayer et entre autres avoir un placard dans lequel j'ai un max de fringues que je mets pas ou que j'ai mis une fois puis après je les ai pas mis et que j'ai l'impression que maintenant un peu je commence à genre remettre exactement la tenue que j'avais avant mais genre en plus pédé quoi mais juste la version tranquille de ça sans avoir besoin de en faire des caisses tout le temps quoi. Et toi? Alors moi j'ai beaucoup de fringues, mais en même temps j'ai le même look depuis que j'ai 15 ans en fait. J'ai toujours eu un look de punk, du coup je porte à peu près toujours les mêmes fringues, mais de plus en plus avec des accessoires PD aussi quand même. Mais du coup j'ai des fois ça me fait peur quand je regarde la quantité de fringues. Du coup j'en file, j'en mets dans des fripes et tout ça, mais j'en récupère aussi plein. Et je crois que c'est aussi un moyen de garder ce look un peu de punk adolescent. C'est aussi un moyen pour moi de refuser de vieillir, là, le truc de l'âge qui est compliqué pour moi, je pense. Et aussi un truc de sentir un peu moins mal dans la vie, dans ce monde, quoi. Pouvoir se regarder dans un miroir et dire « Ah, j'ai un peu la classe quand même aujourd'hui. » ça fait du bien, je crois. Mais aussi, je disais que ça faisait peur. Et moi, pour le coup, je crois que c'est un truc de me rassurer. Et qu'en vrai, c'est, je pense que le moment où je me suis mise à acheter des fringues et à vouloir en avoir qui me plaisent, ça a été la première fois de ma vie où genre, j'avais envie de posséder des trucs. Quoi, qu'avant, je trouvais ça un peu nul de vouloir avoir des objets et nanani. Et qu'en vrai, je sais que j'ai des fringues, que ça me rassure de les avoir, que je suis content de les avoir, mais jamais je les mets. Ou des fois, je les mets genre toute seule chez moi. Mais ouais, moi, je trouve que mon placard, il fait beaucoup plus pédale que mon look. Bon, ça fait un peu genre une vieille métaphore pourrie. mais ouais, je pense que j'ai beaucoup plus de fringues de pédale dans mon placard que ce que je porte sur moi. Et je veux pouvoir un jour peut-être les mettre ou les mettre devant mon miroir, mais ça va pas forcément être un truc du quotidien, quoi. Ouais. Mais comme moi, quand je dis peur, c'est plus la quantité des fois qui me fait peur de me dire en fait, j'ai encore récupéré des trucs. Ou moi, alors, j'achète pas ou peu de fringues, ou alors, enfin, vous achetez des fringues. Ouais, tout le temps. Là, je me suis calmé. Mais par contre, le truc de récupérer, enfin, là, mais peut-être qu'il y a un moment où ça va passer, quoi. Mais là, pour l'instant, vraiment, quand des potes disent je vais faire du tri. Je suis surex, quoi. J'ai vraiment envie de ramener un cabas chez moi et de le rajouter. En vrai, pédale de free shop, ça va vite, hein. Ouais, de ouf. Ouais. Moi, j'achète des chaussures, mais c'est vrai, peu de fringues. Mon déficit, des fois, je craque sur des trucs sur Vinted, mais vraiment, pour le coup, sur des trucs de pédale, quoi. Sur Vinted. Bah, en vrai, moi, absolument, juste avant de venir à cette émission, quand je suis allé chercher ma voiture, je suis passé récupérer un colis Mondial Relais. Et clairement, dans le genre truc que j'ai envie d'avoir, mais je sais pas trop à quel point je vais le mettre, j'ai acheté des TN roses. Waouh. Et vraiment, je les ai prises, je les ai même pas essayées en arrivant. Bon, j'avais pas trop le temps aussi parce qu'il fallait venir à la radio, mais j'étais juste contente de les avoir et de les poser, quoi. Et du coup, vous mettez les mêmes fringues tous les jours, ou est-ce qu'il y a des occasions où vraiment vous sapez? Je réfléchis. Ben ouais, mais moi c'est pareil, c'est vraiment même ce... Enfin, je trouve que c'est lié à ce truc de les avoir. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des moments où je vais penser à... Enfin, genre acheter ou récupérer des fringues en pensant à l'occasion de les mettre, ce qui est globalement des soirées ou des moments où je vais avoir envie d'être sursapé, surlooké, mettre un truc abusé. Mais en fait, finalement, je vais pas souvent en soirée. Ou alors des fois, genre, je vais mettre des trucs et puis juste avant de passer, je vais faire la grosse flemme de être sapé comme ça toute la soirée. Enfin, ouais, je sais pas. Mais moi, ça m'arrive de ouf de genre me sursaper et après me remettre des trucs un peu plus confort avant de partir. Ouais, moi j'ai l'impression que les soirées, souvent pareil, je me sape pour y aller. Et puis après, je me regarde et je dis, bon, ça fait too much. De toute façon, tout le monde va savoir qu'on est tous pédales ici. Il n'y a pas besoin de le montrer à 7 ans. En fait, ça fait un peu un truc de genre, ouais, les soirées où on peut se reconnaître entre nous, je suis un peu en mode, bah, il n'y en a pas besoin justement à cet endroit-là pour se reconnaître. Et du coup, c'est juste pour moi. Mais du coup, pour moi, bah, c'est pas très confort. Du coup, je vais remettre mon sweat, quoi. Ouais, moi, je me sape pas forcément pour des soirées. Ça peut arriver, mais pas. Donc, moi, par contre, moi, j'ai des fringues qui sont vraiment spéciales pour des week-ends ou des soirées BDSM. J'ai aussi un peu cette collecte de fringues spéciales. Voilà. Et vous arrivez à vous séparer de fringues? Ouais. Ouais, mais moi, il faut le faire avec quelqu'un, tu vois. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté de moi et genre, enfin tu vois, il y a tout un rituel de, je pense, les sortir, avoir un avis dessus ou pas, parce que des fois il y a juste des trucs flingués, mais aussi avoir besoin de quelqu'un qui me dit genre, tu mets ce truc et tu l'as, ben non, ok, t'as besoin de place dans tes placards, oui, bon, alors on essaie de trouver des... Ouais, moi j'ai l'impression qu'il faut que je méprise les fringues pour m'en séparer, ou alors que ça fasse plus plaisir à la personne en face qui le veut. Mais du coup, soit clairement, il faut que je me dise « Oh, ça c'est un fringue de babos de ta sombre époque, tu jartes !» Soit faut que la personne en face ait genre des étoiles dans les yeux et je suis en mode « Tu vas peut-être la porter genre deux fois par an, ce sera déjà plus que moi, du coup, tu comprends. » Mais c'est vrai que ça pose grave la question de pour qui tu te fringues. Qu'il y a des moments où... Enfin, je sais pas, qu'il y a une espèce... Je pense un truc d'imaginaire à la con de les sapes que tu mets, c'est pour dégager des trucs aux autres, mais en fait, des fois, tu le fais pour toi aussi. Mais quand même, ça joue. Et que du coup, par exemple, où est-ce que tu vas aller, quel genre de gens il va y avoir, ça joue grave là-dessus. Mmh. Ouais, moi, je crois qu'il y a quand même aussi un gros truc de pour soi, quoi. Pour pouvoir se regarder dans un miroir et se trouver un peu... Ouais. Et je me permets d'intervenir. Mais je trouve qu'il y a aussi un truc d'enjeu de sécurité. Et un équilibre à trouver entre l'enjeu de sécurité, l'enjeu de vouloir briller, briller pour soi, briller pour les autres, en mettre plein la vue. Bon, aux potes, ils ont un peu l'habitude, mais aux hétéros qu'on va croiser, venir perturber, tout en essayant quand même d'éviter au maximum les agressions. Et je trouve que c'est un enjeu qui est vraiment pas évident, et en fonction de l'énergie qu'on a et tout ça, il faut jongler un peu avec tout ça, et ce qui fait qu'il y a besoin d'avoir quand même vraiment pas mal de fringues différentes pour s'adapter en fonction des situations, et que ce soit juste aller acheter du pain à la boulangerie, que ce soit aller à une soirée, un concert, aller à une soirée BDSM, recevoir un client, un amant, tout va être différent, et à chaque fois, faut dealer avec cet équilibre-là tout le temps. Oui, de ouf. En plus, j'ai l'impression que quand tu transitionnes, ça vient. Enfin, moi, c'est vraiment. Ça fait pas si longtemps que ça a vraiment switché, ce truc où. En fait, les trucs que j'avais envie de mettre avant et où des fois j'osais pas parce que je me disais ça va être too much. En fait, maintenant que j'ai du passing, c'est plutôt des trucs de mecs qui peuvent me mettre plus en danger. Enfin, qu'en fait, il vaut mieux en faire un peu plus et être sûr de mettre des fringues qui font un peu dire à cette personne je suis face à une femme. Moi, ça me fait un peu des nœuds en ce moment où vraiment la dernière fois où je me suis fait le plus emmerder, c'est parce que j'étais en jean t-shirt parce que je faisais un truc pratique de la vie et que j'avais autre chose à foutre que me demander comment je m'habillais. Et en fait, c'est la fois où je me suis fait le plus emmerder alors que c'était sûrement les fringues les plus normies que j'ai mises depuis 2 ans, quoi. Alors qu'à l'inverse, moi j'expérimente là depuis quelques semaines la veste noire toujours chaude plutôt que la veste léopard cintrée avec des faux-foutes partout. Pour passer incognito dans la rue, ça marche vachement mieux. Ouais, et puis il y a aussi le truc, moi je trouve, en tout cas pour les personnes trans, le truc du passing, c'est vraiment un truc. Moi je pense, jusqu'à ce que j'ai pas complètement un passing de mec, je m'autorisais plus du tout à porter des fringues qui pouvaient évoquer une quelconque féminité. Et alors, le maquillage, n'en parlons pas, le vernis à ongles, tout ça, c'était vraiment pas possible. Maintenant, en fait, le fait de passer pour un mec dans la rue et auprès des gens qui me connaissent pas, je recommence petit à petit à m'autoriser des trucs, quoi. Mais ça prend du temps. Ouais, moi j'ai l'impression que les boobs, c'est un peu genre le point central de ma tenue et de ce qui se passe à cet endroit-là. Genre si c'est bindé, ok, je peux me permettre des trucs. Et si c'est pas bindé, justement, je vais avoir genre un haut, on peut les voir. Du coup, il faut genre faire un truc beaucoup plus masque et beaucoup tout le reste. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que ça part un peu de là et de à quel point on les voit et à quel point on les voit, je peux me permettre ou pas un nuancier de pédalitude derrière, quoi. C'est hyper technique en vrai. Ouais. Je trouve que vraiment, ça se joue à rien. Des fois, c'est genre des boucles d'oreilles, un truc qui va faire, un mini truc qui va faire la diff, quoi. Et la barbe, en fait, ça change tout aussi, en fait. Ouais. Le fait de plus avoir de seins et avoir une barbe, en fait, tu peux te permettre de te fringuer autrement qu'avec un sweat en capuche hyper large et ouais. Alors qu'avec des seins et une barbe, c'est quand même vraiment la galère. Mais peut-être on peut écouter une première partie des témoignages qu'on a reçus pour cette émission. Et on revient après. Défringuer le look, ça a été longtemps un non-sujet pour moi. Et j'y vois un parallèle avec l'acceptation chaotique de mon homosexualité et l'invisibilisation à laquelle je me suis astreint pendant longtemps. À 23 ou 24 ans, plusieurs années après mon coming out et après quelques relations avec des garçons, je me suis mis en couple avec une fille, à la plus grande surprise de tout le monde, moi compris. Je bossais comme technicien dans le spectacle et je me souviens de son air blasé devant l'étendage quand je faisais mes lessives en rentrant de tournée. Des pantalons de travail noirs, des chaussettes noires, des t-shirts noirs, des vestes à capuche noires. En dehors du travail, c'était pas beaucoup plus fun. Je troquais juste avec audace les pantalons noirs pour des jeans bleus, bien classiques. Je crois que je faisais tout pour passer inaperçu, à une période où je niais pas mon attirance pour les garçons, mais où je l'avais de fait remise sous le tapis. Par la suite, j'ai appris à faire plus attention à mon apparence, à prendre du plaisir à farfouiller dans une friperie, à oser une coupe de cheveux qui me plaît vraiment, à piquer une fringue à mon mec, etc. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et je suis célibataire depuis quelques mois, après plusieurs années de relations, homo cette fois, mais très normée encore, et je vis un peu mon adolescence de PD. Alors ça prend pas mal de place chez moi. Dans ma vie, dans mes expériences, dans mes lectures, dans mes idées, dans mon langage. Ça reste globalement assez gentil. De toute façon, je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence. À part la crête et la guitare, j'ai pas grand-chose de très punk au fond. Mais ça bouge quand même un peu, au niveau de mon apparence. Cet été, en vadrouille en Bretagne, ma frangine et sa bande de potes, toutes lesbiennes, étaient d'accord pour dire que je me façonnais un petit style de PD, avec mes shorts courts, mes débardeurs découpés à la main ou mes chemises à fleurs cintrées, mon Mickey sur la tête et le petit pendentif en forme de plume que j'avais ajouté à ma boucle d'oreille. En rediscutant récemment avec ma sœur, on en a conclu qu'il n'y avait rien d'incroyable non plus, même si j'aimais bien ce look, et que c'était peut-être juste assez PD pour être remarqué par d'autres personnes queer, mais aussi juste assez sage pour que ça passe inaperçu pour les moldus, comme elle dit. Constat intéressant, mais un peu déconcertant pour moi. Cette idée a semblé se confirmer peu de temps après, avec cette fille rencontrée en festival qui m'a sorti un magnifique. En tout cas, ça se voit pas du tout, si ça peut te rassurer. Alors j'ai tenté de lui expliquer que non seulement ça me rassurait pas, mais que ça venait au contraire me questionner sur les raisons pour lesquelles ça se voyait si peu, la force avec laquelle j'avais gommé tout indice pendant si longtemps, et la difficulté que j'avais encore aujourd'hui à renverser la vapeur. Parce que j'en suis pas encore à porter des crop tops ou du vernis, et je vous admire, vous qui avez ce courage. Vous êtes belle, vous êtes beau. Moi, j'y vais doucement. Dernièrement, je me suis autorisé quelquefois un trait de crayon noir sous les yeux avant d'aller en soirée. J'habite à la campagne, dans un village de 450 habitants, et dans le train qui m'amenait jusqu'à la ville, à chaque fois, j'ai ressenti un léger mélange de gêne et de crainte, mais aussi un fort sentiment de liberté, de fierté et de puissance. Ben moi, je dirais que en vrai, je suis pas quelqu'un de fan de vêtements de base. Plutôt, je suis du genre à quand j'ai trouvé une fringue dans laquelle je me sens confortable et qui me plaise, et ben je vais acheter plusieurs fois le même type de fringue et je vais le porter tout le temps. Du coup, en gros, ça se résume à porter un pantalon noir, des chaussures noires et un t-shirt noir quasiment tous les jours. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir ces derniers temps l'envie de genre me mettre à apporter des trucs un peu plus différents, en tout cas qui sortent de mes codes habituels vestimentaires, et notamment des fringues que j'attribuerais plus à des trucs un peu plus féminins, ou je sais pas trop comment expliquer, mais en vrai, enfin, ça m'arrive souvent de regarder dans les rayons meufs ou dans les, par exemple genre dans les braderies, regarder les chemises qui sont classées dans les codes vestimentaires de meufs, ou des t-shirts ou des trucs comme ça, et de commencer à kiffer porter ce genre de fringues de temps en temps. Je crois que ça me plaît de plus en plus d'exprimer ma pédalitude dans la rue, pas toujours, mais des fois ça me plaît, et des fois ça me fait peur aussi, parce que j'ai vachement plus peur de me faire péter la gueule. Par exemple, si je renvoie trop au fait que je suis une pédale. Je pense que je suis une pédale qui essaye de se fondre dans la masse globalement, mais qui aime bien avoir deux, trois petits trucs qui peuvent laisser des indices. Par exemple, je dirais que genre chez moi, l'indice que je laisse, c'est le fait de porter des boucles d'oreilles, et notamment une boucle d'oreille que j'aime beaucoup et qui est fabriquée à partir d'une vieille assiette de grand-mère cassée. Voilà, c'est un rectangle avec des motifs fleuris de vieille assiette qu'on trouve dans des braderies, quoi. Pour moi, ça me renvoie à un code pédale. Et puis, il y a un autre truc que j'aime bien faire aussi, c'est porter du vernis. Et notamment du vernis à paillettes, ça fait partie des trucs que je porte régulièrement. Et je les porte pas sur tous les doigts, genre souvent c'est sur mes pouces ou sur le dernier petit doigt de la main, et sur une des deux mains. Et je crois que ça me plaît assez, enfin genre je suis menuisier dans mon travail et je sais que c'est un milieu où c'est pas forcément évident d'exprimer sa pédalitude, et je crois que ça me plaît assez de genre casser un peu ses codes en pointant chez des clients avec du vernis sur les mains et mes fringues de chantier, quoi. Alors, j'ai toujours kiffé les fringues et expérimenter des trucs, jouer avec les couleurs, avec les formes, faire des associations plus ou moins too much. Et un peu pareil pour les coupes de cheveux. J'ai toujours trippé à avoir des coupes de cheveux un peu barrées, asymétriques. Et je trouve que quand même, les fringues, les coupes de cheveux, c'est vraiment un espèce de grand terrain de jeu où on peut donner à voir plein de trucs et choisir de montrer plus ou moins de choses de qui on est. Et je sais pas tant si en tant que pédale, ça a changé vraiment un truc dans mon rapport aux fringues. Mais en tout cas, je pense, enfin, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être une personne trans et une pédale, là, oui, ça joue un truc de comment je pourrais ou pas me réapproprier des codes et des fringues que je pourrais kiffer ou que j'ai pu kiffer mettre. Par exemple, voilà, c'est sûr que je vais me limiter ou que je vais pas pouvoir vraiment complètement kiffer mettre des crop tops, des t-shirts hyper moulants. Et que c'est sûr que c'est des choix quand même que je fais parce que je suis quand même encore vachement genrée au féminin dans la rue, qu'il y a plein de trucs où je comprends toujours pas pourquoi c'est le cas et que du coup bah, ça fait que ouais, je pense que je limite quand même certains trucs pour essayer de passer un peu plus. Et du coup je pense que malgré moi il y a quand même des détails ou des choses qui font que de toute façon je suis perçue comme pédale. Et que même si j'essayais complètement de le cacher, je ne suis pas sûre que ça marcherait vraiment. En tout cas, là, depuis pas longtemps, j'expérimente un peu un truc de voir c'est quoi que ça change justement dans mon rapport aux autres et comment je suis perçue de mettre des fringues un peu plus sobres ou avoir des coupes de cheveux un peu plus classiques aussi. Voilà. Et du coup, je me dis peut-être que si je suis moins identifiée de manière flagrante comme étant... une personne non cis et qui est pas non plus qui évolue pas non plus à cis cette lande, bah peut-être que ça va changer un truc dans la manière dont je suis perçue, et effectivement c'est le cas quand même. Du coup voilà, c'est là je fais un peu des tests là-dessus, mais sinon c'est sûr que je kiffe utiliser des détails ou triper sur les couleurs notamment et sur des fringues un peu flashy. Ben, merci pour ces contributions, les copains. Je sais pas, ça vous avez des réactions des... Ben, je sais pas, là, sur le dernier témoignage. Enfin, je sais pas, ça me fait rire ce truc de se dire. En fait, c'est qu'on connaît cette personne. Et du coup, on est en train de rigoler sur. Ah, mon micro, il fait des bruits bizarres. Hein. Ouais. Sur ce truc de aussi, c'est quoi notre vision de qu'est-ce qui est, je sais pas, mettre des trucs sobres. Avoir une coupe de cheveux normale. Oui. Et du coup, je trouve que ça vient aussi poser la question du passing et tout. Et à force aussi, c'est vraiment difficile de savoir qu'est-ce qui fait avoir l'air d'une pédale ou pas. Qu'est-ce qui est acceptable chez les moldus ou pas. Ouais, je sais pas, je trouve ça vraiment pas clair du tout, et que des fois t'as l'impression d'aller dans un sens et que les regards des gens dans la rue font constater que c'est absolument l'inverse, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, oui, je me suis d'accord qu'on n'a pas toute la même notion du sobre. Les coupes de cheveux sobres, ça m'a fait un peu rire aussi. Et ouais, je te rejoins là-dessus, et moi je trouve aussi que c'est vraiment des trucs d'endroit aussi. Des fois j'ai l'impression d'être habillé hyper sobrement et je me retrouve dans un endroit de je sais pas où j'ai pas l'habitude, ou des trucs de bourgeois, Et je trouve aussi, je trouve la manière de se fringuer aussi est vachement en lien avec la classe sociale, quoi. Et du coup, ben, c'est sûr que se planter, moi, dans un truc sobre où je suis en jogging basket et sweat à capuche noire, et ben, en fait, suivant les endroits où je vais, ça va, je vais pas se passer pour quelqu'un de chelou, quoi. Si c'est... Ouais. Ouais, plus que chelou, sale aussi. Ouais, sale. Moi, je crois que j'ai eu. Là, j'ai un peu réintégré la vie normale et j'ai l'impression d'être dégueu tout le temps. Alors que, genre, franchement, mon jogging, je l'ai mis deux fois, je le trouve méga propre, quoi. Et ouais, aussi, bah, les tenues, je sais pas, que nous, on a l'habitude de porter et qu'on a l'impression qu'ils sont passe-partout aussi. Je pense que pour plein de gens, c'est cradouille et c'est des tenues pour sortir les poubelles, quoi. Mmh. Et même quand il s'agit de sortir les paillettes pour une soirée ou quoi, moi je vois bien que les paillettes que je peux sortir, bah c'est des paillettes de prol, quoi. Enfin, c'est des vêtements qui brillent, mais c'est du toc. Si je me retrouve chez les bourgeois avec ça, j'ai honte. Mm. Enfin, j'ai honte. Je sais pas si c'est vraiment ça le mot, mais en tout cas, ça fait un truc où même quand on essaye de briller, et ce que je trouve qu'on brille vraiment très bien, enfin on est doué pour ça, ça reste que dans les milieux. Enfin. C'est avec des codes qui sont très, très spécifiques. Mmh. On écoute un petit morceau de musique, peut-être ? Je voulais juste réagir un tout petit peu avant sur le premier témoignage qui, moi, me touche vraiment beaucoup sur un peu aussi c'est quoi le placard, c'est quoi les différentes manières de survivre en tant que pédale dans ce monde. Et que je vois qu'il est en train de faire une démarche que moi je fais l'inverse en ce moment, et je crois que ça me touche beaucoup d'avoir été très visible et de maintenant d'essayer de disparaître par souci de tranquillité, par souci de conserver une santé mentale à peu près stable. Et en tout cas, moi je trouve ça vraiment incroyable, c'est tous ces mécanismes d'homophobie intériorisés qui font que bah ouais, on cache quoi, et il faut surtout pas que ça se voit, et de comment on arrive au bout d'un moment à se réapproprier ça. Ouais, et oui, et c'est vrai que le look et les fringues, c'est quand même une bonne manière de se planquer, quoi. Ça aide, quoi, de choisir de se fringuer de manière très random et de passer inaperçu. Mais vous, par exemple, je sais que c'est après le moment où on dit genre c'est quoi notre accessoire fétiche ou notre vêtement fétiche de pédale, mais c'est quoi genre la première fringue que vous avez osé mettre ou acheter, ou le premier accessoire machin, où ça a fait un petit truc de allez, celle-là je la tente. Ah ouais, ouais. Alors du coup plutôt un truc visible, quoi. Bah non, ça peut être un slip aussi, j'en sais rien. Ouais. Juste le rien que oser le porter, oser le soi porter. Face à soi, quoi. Moi, je pense le premier truc vraiment très marqué qui faisait qu'on m'identifie comme un PD dans la rue, je pense c'est la grosse chaîne. La grosse chaîne que je porte autour du cou, et je pense que ça n'a pas été facile pour moi. Je pense que ça n'a pas été facile pour moi de la porter dans la rue ou dans la vie de tous les jours. Il a fallu d'abord une grosse étape de la porter quand je suis avec mes potes, quand je suis en soirée, tout ça, et avant de pouvoir sortir avec dans la rue, quoi. Moi, je pense que c'est du mascara, un crayon qui arrivait en même temps que je me rase les jambes. Moi, c'est un caleçon à paillettes, parce que au début, j'ai l'impression que les fringues un peu femmes, qui peuvent aussi être considérées comme pédales, c'était trop associé à genre être une go ou mon assignation. Et du coup, là, justement, c'était masque, mais il y avait des paillettes. Et du coup, j'étais en mode, c'est bon, j'ai trouvé un juste milieu qui me met à l'aise avec moi-même. Et que je trouve cool, quoi. Swag. Ouais. Et toi Vous êtes trop chou. Ben moi, je pense qu'il y a eu une histoire de raccourcissement. de mettre des shorts plus courts, jusqu'à mettre des minuscules shorts, quoi. Mais que je pense qu'il y a vraiment eu un truc de... Je me souviens vraiment de la fois où j'ai pris un short vraiment court dans un free shop et je pense que je l'ai gardé 6 mois chez moi sans le mettre, quoi, et qu'un jour je l'ai mis, que je pense que c'est vraiment, c'était pas une bonne expérience, mais ouais, je pense que c'était un tout petit short. On écoute un morceau de musique. Qu'est-ce qu'on écoute? Ah, on écoute Gay is a New Punk de Nuclear Family. Salut les pédales scandaleuses, j'avais envie de vous partager une petite anecdote par rapport aux vêtements. Et ça commence de manière pas très fun, mais à l'été 2020, je me suis fait agresser physiquement par un groupe d'une dizaine de mecs. Et c'était assez terrible, j'ai eu très peur et j'ai vraiment cru que ça allait très mal finir. Et à ce moment-là, je commençais à peine à m'affirmer en tant que PD dans l'espace public. Et ce soir-là, j'étais même pas particulièrement flamboyante ou sapée de manière outrageusement homosexuelle. Cet épisode, finalement, ça a eu un fort impact dans ma relation à la rue, à l'espace public. Et ça a mis vraiment un frein, un coup d'arrêt un peu à mon affirmation vestimentaire en tant que PD. Et aussi, ça a fait que j'avais de plus en plus peur d'avoir des marques d'affection envers d'autres PD ou d'autres queers dans la rue. Et donc, je me suis pas mal restreint. Et petit à petit, ça m'a amené à être pas mal frustré de la manière dont j'étais habillé, dans la manière dont je me présentais un peu dans l'espace public aux autres. Et donc petit à petit, j'ai commencé un peu à chercher à dépasser cette peur. J'ai commencé à mettre du vernis. Et ça nous amène à l'été 2023, où la nouveauté vestimentaire, c'était le crop top. Donc je m'en suis trouvé quelques-uns, je me trouvais trop beau avec. Mais à chaque fois que je sortais en soirée, par exemple, je prenais toujours une chemise pour pouvoir rentrer en cachant un peu le crop top si je me sentais pas bien. Et ça nous amène en juillet de cette année où en fait je passe une superbe soirée chez une pote à regarder des films PD assez moyens, mais c'était le but un peu. Et je pars de chez elle à genre 3h du mat, donc il n'y a plus de métro et il faut que je rentre à pied et ça prend à peu près une heure de marche. Et donc là, je me balade dans la ville, dans Paris, à 3h du mat, avec mon crop top, mais ma chemise par-dessus. Et je commence à vraiment me sentir bête, parce qu'en fait, c'est la canicule, je crève de chaud à cause de cette chemise, alors qu'en fait, j'ai un crop top en dessous, donc en fait, clairement, j'ai l'habit pour ne pas avoir trop chaud, vu cette chaleur. Donc finalement, je me décide à l'enlever, et pendant 50 minutes, je marche dans Paris avec ce crop top. Il fait chaud, il y a les lumières de la ville, c'est assez joli et c'est vraiment un peu idyllique. Et donc en fait je passe un super moment à marcher dans Paris la nuit et en fait à partir, le lendemain je raconte ça à tout le monde, pas du tout, je parle pas du tout des films, mais je parle vraiment que de waouh, j'ai marché à 3h du matin dans Paris en crop top, c'était vraiment trop bien, ce qui a fait de cette soirée un peu un trop bon moment, plus pour l'aspect affirmation de ma pédéitude dans l'espace public que par les films que j'ai regardés. Je porte des fringues de pédale. Je suis un garçon fleur. Je le vis dans mon corps. Mais comment est-ce que je l'exprime vers l'extérieur, la rue et les autres? Beaucoup par mes chemises triées sur le volet, à motifs bariolés, avec de belles couleurs. Elles sont des tableaux, des tapisseries parfois. Les yeux peuvent s'y perdre, et elles me procurent de la force. J'ai l'impression d'être chic et décalé en même temps. Elles ne passent pas inaperçues. Elle suscite des commentaires. Je me sens précieux et poète en même temps, dans un petit cœur de salle punk. Et comme je bosse pas mal avec des techniciens cis hétéros, mes chemises viennent exprimer ce qui se voit sans se dire. Comme mes cheveux longs frisés pour certains, comme le trait noir sous mes yeux de temps en temps. Même certains jours sans, où je ne vois même plus le sens de sortir, je me sape méticuleusement. Non, un t-shirt gris, même bien coupé, me file encore plus la glauque. Enfiler une de mes belles chemises, c'est comme un rayon de soleil dans un monde moche. Et elle me prépare à affronter les autres. Elles sont une seconde peau dans une activité des plus banales. Lorsque je boutonne, un à un, je m'empouvoir un peu. J'arrive alors à redresser la tête. Je jette un œil au miroir pour finir d'apprêter le col et passer ma chaîne en argent par-dessus. Je me regarde, j'aperçois enfin ce garçon fleur, et cela me permet de me jeter dans l'arène. All those beautiful boys, pimps and queens and criminals. Toute mon enfance et adolescence, fallait surtout pas que mes vêtements fassent fille. Ça me terrifiait. Je me rappelle un jour, ma mère m'avait offert un sweat à capuche bleue. Ça fait garçon. Mais sur les ficelles de la capuche, il y avait un ruban, qui faisait vaguement un arc-en-ciel. Du rouge, du orange et du jaune, mais c'était déjà beaucoup. Et je me rappelle pendant des années, ce pull est resté plié, dans le placard, tout comme moi. Aujourd'hui, quand je m'habille, je crois que j'ai toujours pas envie de faire fille. Quand je m'habille pour aller faire les courses, aller en manif, au travail, pour aller courir ou faire de la boxe, j'ai envie de faire pédale, de faire transe, de faire femme. j'ai définitivement abandonné l'idée de me fondre dans la masse en transitionnant vers la pédéitude. Quitte à être vue, autant être belle, rebelle et flamboyante. Mais si maintenant j'arrive à m'imposer dans la rue, en tant que pédale transfemme, c'est aussi grâce au sport de combat. J'ai d'abord pratiqué en mixité TPG, puis transfemme, petite dédicace au season Tapanam, et avec le temps j'ai réussi à passer la porte du club. Pour faire du MMA en plus, donc clairement pas le sport de combat le plus pédé-friendly. Avant chaque entraînement, je refais rapidement mon make-up, en général un peu de couleur sur les paupières et un morovache au coin de l'œil droit, tracé au liner noir. Avec la boxe, la muscu et les ostros, mon corps a changé. Mes muscles se sont dessinés et mes traits se sont brouillés. Et j'aime bien ces lignes troubles, brassière de sport, chaîne serrée autour du cou et épaules carrées. À mesure que mon corps et mes muscles se développent, je me sens plus trans, plus femme. PD transfemme, c'est pour moi cet équilibre entre douceur et puissance. C'est être capable de draguer par un clin d'œil et d'envoyer un direct sur la gueule d'un connard dans la même soirée. Au début de l'été, j'étais à Rennes, pour un gala de boxe entre queer organisé par les camarades du Cobra. Le vendredi, c'était la journée du gala à proprement parler, ouverte au public et avec les combats qui s'enchaînent toute l'après-midi. Avant mon passage, je prends un moment avec ma coach, une copine du Seasoned, pour me mettre dans le combat. On parle rapidement stratégie, on chauffe un peu les articulations et j'envoie quelques coups dans ses mains. Elle enduit mon corps d'une huile qui provoque une sensation de chaleur intense sur la peau. Je resserre mes deux tresses qui maintiennent mes cheveux et lance un dernier rapide coup d'œil dans le miroir avant de sortir. Comme on pouvait choisir un morceau de musique pour notre entrée, je choisis Mylène, parce que tout est chaos qui résonne dans un gala de boxe avec une pédale sur le ring, plutôt ça rendait une belle image. Bon, je fais mon entrée, poum poum short à rayures bleues et blanches, protège tibia, crop top sur lequel j'ai écrit « Suce ta pote » avec de la peinture argentée, gants, protège-dents, vaseline sur les arcades et un peu de sparadrap sur les piercings. L'arbitre lance le combat. Je cherche le regard de ma partenaire et c'est parti. Coup de pied, coup de poing, esquive. Les gouttes de transpiration s'écrasent sur les tatamis. Nos corps gémissent et respirent fort. Quand la cloche sonne la fin du combat, les corps se relâchent en se prenant dans nos bras. C'est le début de l'aftercare, de la redescente aux endorphines. Avec la boxe, j'ai pris conscience que mon corps de PD n'est pas destiné à se faire maltraiter dans le métro. Quand je sors, dehors, mon corps PD se pare d'une armure femme, en crop top et leggings à paillettes, prête à tordre l'espace autour de moi et à résister. Vous êtes toujours en direct dans Pédale Scandale sur Radio Duo 89.5 à Saint-Étienne et partout ailleurs en streaming sur radioduo.org. On vient d'écouter Femme in a Black Leather Jacket, un morceau de Poncy Division. Et du coup, je ne sais pas si vous avez des réactions aux trois derniers témoignages qu'on vient d'entendre. Je sais pas, c'était trop chou. Oui, c'était très chou. Moi, ça me donne très envie d'aller voir des combats de boxe de notre cher camarade qui nous a envoyé cette dernière contribution et de la voir avec son crop top à paillettes sustapotes. Ça m'évoque plein de choses. Oui, c'est vrai qu'on a. Ça fait un autre endroit que les soirées pour se saper. Ouais, bah oui, le sport aussi quand même. C'est aussi encore un autre endroit pour être super sexy dans ces tenues de sport. Notamment les sports de combat, je trouve. Mmh. Ouais, de ouf. C'est sûr que... Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a des sports où c'est moins facile. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a les sports co où il y a des espèces de trucs d'uniforme de toute façon. Ça. Oui. Ce qui peut être très sexy en uniforme. Oui, de ouf. Mais c'est pas toi qui le choisis, quoi. Souvent. Est-ce qu'on s'écoute un dernier petit montage qui parle de nos accessoires fétiches de pédale? Et si je devais dire, ce serait quoi mon accessoire ou mon vêtement numéro 1 de pédale? C'est sûr et certain que c'est mes slips en résille que je peux voir dans des films porno gays, par exemple. En éventail, violet, avec de la dentelle, qui claque, slack quand tu l'ouvres. C'est vraiment le vernis. Ça fait 2 ans que j'en mets à peu près et ça me fait toujours trop plaisir parce que ça crée plein de réactions dans la rue, notamment de grand-mère ou de daronne qui me complimente. Ma chaîne, une chaîne serrée autour du cou. La veste en fourrure léopard. Un crop top tellement court qu'on sait même pas trop à quoi ça sert. Mon jockstrap noir et zébré, fait sur mesure par une copine. C'est mes strass dentaires, en plus sur ma des roses. Et ben moi, mon vêtement numéro 1 de pédale, c'est un sweat à capuche noire. Un sweat à capuche noire. Autour du cou. Avec de la dentelle. Alors on voit que les accessoires sont divers et variés. Ça va du crop top au jockstrap ou au slip rési au sweat à capuche noire. Ça nous donne un outfit complet à faire, en vrai. Ouais, c'est vrai, si vous voulez... Look du jour. Avoir l'outfit parfait de la pédale. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup hésité quand même, parce que c'est dur de choisir un accessoire. Je pense qu'il y avait vraiment ce truc de cette chaîne que je porte tous les jours autour du cou et que j'ai fini quand même par me faire tatouer, du coup, parce que la chaîne, c'est lourd quand même au bout d'un moment. Alors, autant se la faire tatouer. On pourrait faire ça avec toutes les fringues, finalement. C'est vrai, on n'a pas parlé des tatouages, mais aussi, je trouve qu'il y a des vibes grave PD dans les tatouages. Ouais. Et justement, quand, genre, les fringues... Enfin, si t'as tout le temps le même fringue, ça peut permettre d'ajouter les petites touches... Ou à genre à quel point tu laisses dépasser ton tatouage. Ouais, carrément. Ouais. Mais oui, puis les tatouages, c'est pareil. C'est... Enfin, moi, parce que du coup, j'ai choisi le jockstrap parce que je trouve que ça fait vraiment ce truc de... Et je pense que c'est un truc pareil que je peux avoir avec les tatouages, c'est que le jockstrap, je le cache sous mon jogging. Mm-hmm. Mais du coup, il n'y a que moi qui sait que je suis... Enfin, j'ai ce jockstrap hyper sexy. Et dans n'importe quel endroit et dans n'importe quelle occasion... sous mon jogging, j'ai ce truc qui fait que ben, je me sens hyper pédé, quoi. Et je pense que les tatouages, c'est pareil. Si c'est des tatouages à des endroits où je peux les cacher, et ben, je sais pas, ça fait ce truc de un peu genre un peu ouais, de sentir un peu fort, quoi, face au monde. Ou qui peuvent te faire griller dans un espace, genre en faisant du stop. La personne qui me prend en stop et qui me demande pourquoi je suis aussi grande et puis après qui me demande pourquoi c'était tatoué PD sur mon bras. Il a bien fallu que je lui explique au bout d'un moment que ben, je suis une pédale trans, quoi. Ben on va arriver bientôt à la fin de l'émission. On écoute un petit morceau de musique. On écoute Face Shopping de Sophie. Ma My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face. J'ai plus de micro. J'ai un micro, ça marche? Ah ouais, je m'entends pas dans le casque, c'est pour ça. Moi, je pensais juste à un petit truc là pendant qu'on écoutait cette musique, qui était que on a beaucoup parlé de notre rapport à nous aux fringues, et que on n'avait pas parlé notre rapport aux fringues des autres. Et c'est juste que en fait, quand on se demandait un peu c'était quoi, enfin que j'ai l'impression que ça faisait quand même un truc de se rappeler comment c'était de mettre des nouvelles fringues et tout ça. Que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi un endroit où pouvoir expérimenter des trucs qui était, je sais pas, me retrouver dans des soirées où il y a des sortes de tas de fringues et où on peut genre se saper et c'est un peu carnaval et des fois c'est un peu gênant et je sais pas quoi. Mais que, et que en fait, ben, c'est aussi les endroits où, par exemple, on va voir nos potes mecs mettre une robe et puis faire un peu dululu, j'ai mis une robe, mais en fait, peut-être qu'il y a quand même un truc qui est en train de se passer. Je sais pas, moi je crois que j'avais juste envie de dire qu'il y a aussi la question du travestissement dans les fringues et que, je sais pas, faites gaffe à vos potes mecs qui mettent des robes. Des fois, il est peut-être en train de se passer un truc. Ouais, laisser traîner des jupes au cas où, quoi. De ouf. Ouais, mais c'est vrai que... Enfin, je trouve aussi... Enfin, moi, je sais que je tiens beaucoup d'importance à comment mes potes aussi se fringuent aussi, parce que je trouve, à plein de moments, ça me donne aussi une idée de comment y elles vont. Enfin... je sais pas, mais je trouve ça... Ouais, faire attention un peu à comment nos proches se fringuent, bah, ça donne plein d'indices comme ça sur le moral, mais aussi sur plein d'autres choses. Ouais, sur des changements dans la vie, sur comment des fois les gens ont du mal à vieillir, sur plein de trucs. Ouais, carrément. Et que oui, vraiment, des fois, il y a des indices de sortie de placard dans des tout petits détails et que... Grave. Là, j'ai l'impression que je parle plutôt pour les gens qui auraient des potes hétéros où on ne sait pas trop et que... Juste, jetez bien un œil à ce que font vos potes. Et du coup, on arrive à la fin de cette émission de Pédale Scandale. Du coup, on voulait remercier toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous font des retours, et aussi surtout remercier toutes celles qui nous envoient des contributions. On vous aime très fort. Et on voulait terminer par un petit agenda. En ce moment, tous les samedis matin, généralement plutôt vers 11h, il y a un rassemblement et samedi prochain, ce sera pas à Chavanel ce coup-ci, mais à la Bourse du Travail. Et du coup, c'est un rassemblement en solidarité avec le peuple palestinien et pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Vendredi, il y a une journée de formation qui est organisée par BDS à Santé, du coup. Et c'est une formation sur la résistance... et l'histoire des luttes palestiniennes. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le numéro 0. Et demain, à 19h, au local de la CNT, du coup, à la Bourse du Travail, il y a une réunion pour s'organiser pour faire du 25 novembre un moment de lutte féministe en solidarité avec la Palestine, toujours. Du coup, rendez-vous demain, 19h, au local de la CNT. Et aussi, on voulait rappeler que le 20 novembre, c'est le Tidor. C'est le jour du souvenir trans, un jour pour célébrer nos morts et nos mortes. Et que nous, ce jour-là, eh ben, on pensera particulièrement à notre amie Rose. Voilà. On se retrouve le mois prochain, du coup, toujours le deuxième lundi du mois. Du coup, le deuxième lundi de décembre. Et d'ici là, on vous souhaite plein d'amour et de rage. Et on vous laisse avec le morceau « Avec le cœur et la raison » de Kerry James. À bientôt, bonne fin de soirée. Bisous. Au revoir. Ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'ai peur rien, c'est la vérité, vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres, sans aucune consultation, observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte! La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre? Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même partant orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de fait, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de fait, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare les familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés, à l'heure où j'écris ce texte, plus des trois quarts ont été pillés. Près d'un million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. Compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats dissimulés, foudroyant des civils, d'emprisonnements arbitraires. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion, une illusion, une illusion. Hosan fi qalbi.